Exercice 32. Exprimer sa satisfaction ou son ras-le-bol. Exemple. Avouer qu'on atteint ses limites. Je n'en peux plus. Avoue. Exprimer son ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Avouer son envie de partir. J'ai envie de tout laisser tomber. Avouer ne plus rien supporter. Je ne supporte plus rien. Exprimer la pleine réalisation de soi. Je me réalise pleinement. Dire qu'il n'y a rien de mieux. Je suis comblé.